Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce journal et en français de ce samedi 17 septembre 2022, les titres. Les statistiques bancaires sont d'une grande importance dans la prise de décision. Vous entendrez dans ce journal les explications de Jorge Nangorane, directeur des études économiques et statistiques à la Banque de la République du Burundi, BRB. En offre de soulagement pour la population de la commune Mugamba, bénéficiaire des services de la clinique médicale Ubuntu, vous l'entendrez. Et à l'actualité internationale, on va vous parler du bilan de l'effondrement d'un immeuble qui a emporté la vie de plus de 10 personnes. Et voilà pour les titres. Séraphine Akizimana sur la mise en onde. À la présentation, Jean-Marie Mayonga, bienvenue. Encore une fois, bonjour. On voit cette édition par la page économie. Les statistiques bancaires sont importantes et dans la prise de décision, mais aussi dans la recherche. À propos de Jorge Nangorane, directeur des études économiques et de la statistique à la Banque centrale burundaise, BRB, lors d'une journée d'échange ce vendredi sur le rôle des statistiques et dans le secteur bancaire à l'Université du lac Tanganyika. Il ajoute que les statistiques doivent être accompagnées par des connaissances, notamment en macroéconomie et comptabilité. Il y a les défis d'abord liés à la consommation des statistiques qui devraient en fait inciter les producteurs des statistiques via les critiques à améliorer les statistiques qu'ils produisent et pourquoi pas aussi faire l'expansion des données apportées au public. Un autre défi, c'est lié à l'inadéquation des formations. Lorsque quelqu'un qui est formé en statistique générale, sans toutefois avoir certaines notions complémentaires dans d'autres domaines comme la comptabilité, là je peux souligner bien, ça doit être d'une façon suffisante, non pas des notions élémentaires en comptabilité, en macroéconomie, dans les théories et analyses monétaires, il doit être de plus en plus moins intéressant pour les banques, surtout les banques commerciales, en termes d'improbabilité, plus que l'économiste. C'est pourquoi les étudiants en statistique ou les collègues en statistique sont encouragés à compléter leur formation par des formations complémentaires dans les domaines, dans le but d'approfondir davantage et mettre le métier statistique qui est très utile pour les décisions, que ce soit en termes de politique économique ou en termes de développement des sociétés ou des entités au service des entités ou de la nation. C'était Jorge Nangorane, il est directeur des études économiques et de la statistique à la Banque centrale burundaise BRB. Toujours dans le domaine de l'économie, la flambée des prix des produits des premières nécessités au marché est due à une insuffisance de la production locale. Pierre Ndouaye, président de l'Association des consommateurs du Burundi à Boko, trouve que la solution est de faciliter l'entrée des autres produits de première nécessité venus de l'extérieur en grande quantité pour combler les lacunes observées. Suivez Pierre Ndouaye, président de la Boko. Au niveau de la Boko, nous disons que c'est vraiment dû à une insuffisance de la production. Et dans ces conditions, la solution qui peut être prise, c'est la solution d'accepter que les produits qui viennent de l'extérieur viennent combler la lacune qui est observée au niveau national et pourquoi pas les détaxer pour que la population puisse accéder à ces produits de première nécessité. Et comme on le dit, la ventre affamée n'a point d'oreille. Donc si la population est affamée, vous constaterez que toutes les politiques qui sont préconisées, notamment l'augmentation de la production ne sera pas du tout atteinte. C'est pourquoi il faut que la population se mobilise d'abord et pour qu'elle puisse vaquer aux activités de développement. Donc s'il y a une production insuffisante au niveau national, il faut accepter que ces produits soient importés pour venir combler les insuffisances de la production nationale. Nous l'avons constaté dernièrement pour le sucre, le ciment, mais aussi les grains de maïs et la farine de maïs. Mais nous disons que cette mesure devrait aussi être étendue au riz, mais aussi aux haricots, ainsi que d'autres produits vivriers, parce que quand vous allez sur le marché, vous trouvez que les prix ont vraiment grimpé, et ça, c'est parce que la production nationale est insuffisante pour nourrir toute la population. Et nous disons quand même que si le gouvernement peut récupérer gérer certaines taxes. Si elles sont bien gérées, il y a certaines retombées qui sont observées chez le consommateur, parce que ce sont les impôts et les taxes qui, à retour, vont financer les activités de développement, mais aussi certaines infrastructures. Et dans ces conditions-là, le consommateur y trouve un peu son compte aussi. Mais ce qui peut être fait pour pallier aux spéculations, c'est que les autorités qui sont en charge de veiller au respect des prix sévissent contre les commerçants véreux qui cherchent à monter les prix de façon exagérée et sans aucune justification valable. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous suivez la radio Isanganiro, 13h passé de 2 minutes, le journal continue, page et société, c'est un offre de soulagement pour la population de la commune Mugamba, bénéficiaire des services de la clinique médicale et Ubuntu, dont ces nouveaux locaux d'une capacité d'hospitalisation de 35 personnes a été inaugurée ce vendredi. C'est au moment où la majorité des malades à hospitaliser étaient transférés à l'hôpital de Matana. Colonel Leonidas Bandezamaso, gouverneur de la province de Bururi, salue vivement cette œuvre d'un médecin natif de la commune de Mugamba. Cette autorité provinciale appelle d'autres natifs de la province de Bururi à suivre cet exemple. Le point avec Zeno Nzambimana. Les locaux de cette clinique médicale Ubuntu qui ont été inaugurés ce vendredi sont situés sur la colline Muyange Kavumu en commune Mugamba de la province de Bururi. Des locaux construits à la moderne avec différents services dont celui de santé maternelle et infantile, un bloc opératoire et bien d'autres. Cette clinique pourra héberger 35 personnes hospitalisées alors qu'avant ne dépassait pas 15 personnes dans les bâtiments loués qui ne permettaient même pas la qualité des soins. C'est le docteur Alexis Nizigimana, médecin représentant légal de l'association Village of Life, propriétaire de cette clinique qui sert la population de Mugamba depuis plus de 2 ans grâce aux différents partenaires dont la fondation Madilo en Amérique et l'ambassade des États-Unis au Burundi. Les retraités militaires handicapés de guerre à Mugamba disent que c'est un offre de soulagement car les services reçus à cette clinique seront payés par le ministère et à la Défense dans ses attributions sera grâce au partenariat avec son ministère. Un offre de soulagement également pour la population de la commune de Mugamba avec qui nous sommes entretenus car la majorité des malades qui devraient être hospitalisés étaient transférés à l'hôpital de Matana. Dans son discours, le gouverneur de la province de Bururi a vivement salué l'initiative de son jeune docteur Alexis Nizigimana, natif de la commune de Mugamba vivant aux États-Unis d'Amérique. Colonel Rudas Banezamaso appelle les autres natifs de la province de Bururi à songer à doter les réalisations pour le développement de leur commune natale. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana. Continuons ce journal. Discours du président concernant les autorités qui ne remplissent pas leur mission n'a aucun rapport avec le nouveau gouvernement. Docteur Guillaume Ndaikengurutse, professeur d'université spécialiste en matière des relations internationales, indique que par rapport au nouveau gouvernement composé d'un seul parti, il faut plutôt se focaliser sur la qualité des institutions et non sur les individualités. C'était lors de l'émission Mosaïque de ce samedi. Suivez-le. Je voudrais dire que le président de la République, quand il a commencé son mandat, il a promis des réalisations aux Burundais. Pour moi donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'il réalise que son équipe n'est pas en train de faire ce qu'elle devrait faire pour traduire en acte sa vision. Et puis donc, qu'est-ce que ce changement m'inspire ? D'abord, il faut constater avec moi que ça fait juste quelques jours que ces changements sont intervenus. Mais au fait, ce qui est un peu, je pense, à revoir dans notre façon d'analyser ce genre de choses, c'est que nous avons souvent tendance à nous focaliser sur les personnes, sur les individualités. C'est tout à fait normal parce qu'on dit que dans les pays qui ont connu des conflits, ce sont les hommes qui font les institutions au lieu que ce soit les institutions qui fassent les hommes. De toutes les façons, ce sont des choses qu'il faut revoir. Focalisons-nous beaucoup plus sur la qualité des institutions, focalisons-nous beaucoup plus sur les normes, focalisons-nous beaucoup plus sur la capacité de ces institutions à poursuivre l'intérêt général au-delà des intérêts des individus. C'est à partir de ce moment, c'est-à-dire si nos institutions sont suffisamment fortes et que la norme constitue la boussole de l'action publique et que l'intérêt général guide les différentes entreprises des institutions étatiques, C'est à partir de ce moment qu'on parlera de changement. Nous avons fait tellement d'appels aux institutions étatiques. Mais c'est comme s'il n'y a que les institutions étatiques. Il y a les institutions sociales, ces organisations de la société civile. Il y a les entreprises, donc les entreprises qui font du commerce et consorts. Et puis il y a nous aussi comme citoyens. Parce que c'est toujours plus facile de tirer à boulet rouge sur les institutions étatiques. Mais aussi, oui, certainement, les institutions étatiques ont le mandat de faire les choses. Mais aussi, nous aussi, mon appel, c'est d'essayer de faire un regard rétrospectif. C'est-à-dire, si vous voulez, un regard introspectif pour les différentes institutions que nous avons et pour les acteurs, et même pour nous, les citoyens. C'est-à-dire, dans quelle mesure les actions que nous posons dans nos différents secteurs d'activité, dans quelle mesure ces actions cadrent avec cette vision qui a été tracée par le chef de l'État. Parce que s'il y a des gens qui sont corrompus, c'est que quelque part, ils ont des complices. Et ces complices se trouvent un peu partout. Donc, mon appel, c'est d'essayer de voir chacun en ce qui le concerne s'il est en train d'agir conformément à cette vision qui est tracée par ceux à qui le pouvoir a été confié par le peuple. Actualité internationale. Actualité internationale en Jordanie, le bilan de l'effondrement dans l'immeuble résidentiel dans la capitale jordanienne est monté à 14 morts, a indiqué ce samedi 17 septembre un porte-parole de la sécurité publique précisant que les opérations de recherche avaient pris fin. Et en Indonésie, un glissement de terrain dans une mine d'or illégale a fait 7 morts et 5 blessés, ont annoncé ce samedi 17 septembre les autorités qui ont fait état d'une douzaine de personnes toujours portées disparues, relate l'agence l'AFP. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour la bonne collaboration technique et à la présentation. Vous étiez avec Jean-Marie Mayonga, mais juste après, vous aurez droit à la revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Déblocage administratif de la carrière, un ouf de soulagement pour les fonctionnaires, constate Burundi Echo. Après le départ de Domitien Dihokubgayo, ex-ministre en charge des finances, écrit ce journal, le gouvernement a entamé les procédures de mise en œuvre effective de la politique salariale. À titre illustratif, il y a eu déblocage administratif de la carrière. Les montants irrelatifs ont été même versés sur les comptes des bénéficiaires. Le syndicaliste Antoine Manou s'en réjouit. Selon lui, poursuit ce journal, c'est un pas de géant, même si le chemin à parcourir est encore long pour rendre effectif la mise en œuvre de la politique salariale. Selon lui, le déblocage administratif de la carrière signifie la valorisation des cotisations des employés en termes de rémunération qui se fait chaque année. Manouma salue les efforts du gouvernement car les fonctionnaires ne sont pas dans de bonnes conditions suite au coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Il demande alors au gouvernement de payer à tous les bénéficiaires les frais irrelatifs, y compris le personnel des sociétés para-étatiques. De plus, il fait remarquer dans cet hebdomadaire socio-économique que pour accélérer le processus de mise en œuvre effective de cette politique, l'adoption de certains textes de loi comme le statut général des fonctionnaires est une urgence. Il regrette que 6 ans viennent de se passer en attente d'une politique salariale équitable dans l'administration publique et qui devrait s'étendre à d'autres secteurs de la vie nationale, d'où une préoccupation des syndicats, des enseignants regroupés au sein de la Fédération des syndicats des enseignants COSESONA face à la lenteur qui caractérise cette opération, lit-on toujours dans Burundi Echo. Dans un autre article paru cette semaine, Burundi Echo s'interroge si on s'achemine vers l'aménagement d'un port autonome. Ce journal socio-économique écrit que c'est le président du conseil d'administration du port de Bujumbura qui a formulé le 29 janvier 2022 une demande d'intérêt destinée à abriter le projet de construction et d'exploitation d'un port autonome et d'un chantier naval sur le lac Tanganyika. Le terrain visé relève du domaine public de l'État. Il est situé à Kajaga, commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, précise ce journal. Revue de la presse. Des malfaiteurs non identifiés ont cambriolé la salle d'encadrement à l'école technique de gestion de Muyinga, érigée sur la colline Mukoni, en commune et province Muyinga, rapporte l'agence burundaise de presse. Ce journal précise que c'était dans la nuit de mercredi à jeudi 15 septembre quand ces bandits ont pris sur eux plusieurs objets, du matériel de musique dont deux pianos, deux baffles et un mixeur appartenant à l'école. Le deuxième lot est constitué de plusieurs effets des élèves en transit vers d'autres établissements qui passaient une nuit dans les enceintes de cette école, des sacoches des 10 élèves pleins de matériel scolaire, dont les cahiers, des uniformes, d'autres vêtements et autres effets dont un élève interne a besoin au quotidien, a indiqué à la BP, une source proche de cet établissement. Éducation toujours avec le journal La Voix de l'enseignant qui trouve que l'école doctorale s'affirme comme grand contributeur dans la recherche innovante au Burundi. En effet, souligne son confrère, pendant la semaine de l'université pour cette année académique 2022-2023, l'Université du Burundi a présenté une gamme variée de réalisations. Parmi ses produits phares, l'école doctorale est une de ses fiertés. Sont également présentés et exposés les meilleurs travaux de recherche effectués par ses professeurs-chercheurs, ses étudiants, masterants ou doctorants et autres chercheurs. Ayant ouvert ses portes dès le 16 avril 2018 pour la première cohorte, rappelle la voix de l'enseignant, elle est dans la période de moisson de thèses de doctorat et d'une multitude de publications et va bientôt ouvrir la cinquième cohorte. Elle constitue également un pourvoi d'enseignants pour les universités du Burundi et de la sous-région. Malheureusement, note avec regret son confrère, la semaine de l'université n'a pas attiré les foules dans la communauté universitaire. Seuls les doctorants étaient majoritairement présents. Ceci montre une fissure entre le monde infiniment grand du baccalauréat et le monde infiniment petit de l'école doctorale sur cette vision de recherche innovante. Conclut cet hebdomadaire de l'éducation. Ainsi s'achève cette revue de presse. Elle vous a été présentée par Odin Daishimiye ainsi qu'Alain Désiré Wukeneza. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. Revue de la presse.